mais le bleu du trépas cernait sa lèvre rose. Le sourire y mourait, à peine commencé. Son souffle raccourci devenait plus pressé, comme les battements d'une aile qui se pose. L'oreille sur son cœur, j'attendais ses élans, et quand le dernier souffle eut enlevé son âme, mon cœur mourut en moi, comme un fruit que la femme porte, mort et froid dans ses flancs. Et sur mes bras roidis, portant plus que ma vie, tel qu'un homme qui marche après le coup mortel, je me levai debout, je marchai vers l'autel, et j'étendis l'enfant sur la pierre attiédie, et ma lèvre, à ses yeux fermés, vint se coller, et ce front déjà marbre était tout tiède encore, comme la place, au nid de l'oiseau, d'une aurore, vient à peine de s'envoler. Et je sentis ainsi, dans une heure éternelle, passer des mers d'angoisse et des siècles d'horreur. Et la douleur combla la place où fut mon cœur. Et je dis à mon Dieu, je n'avais qu'elle. Tous mes amours s'étaient noyés dans cet amour. Elle avait remplacé ceux que la mort retranche. C'était l'unique fruit demeuré sur la branche après les vents d'un mauvais jour. C'était le seul anneau de ma chaîne brisée, le seul coin pur et bleu dans tout mon horizon. Pour que son nom sonnât plus doux dans la maison, d'un nom mélodieux, nous l'avions baptisé. C'était mon univers, mon mouvement, mon bruit, la voix qui m'enchantait dans toutes mes demeures, le charme ou le souci de mes yeux, de mes heures, mon matin, mon soir et ma nuit. Le miroir où mon cœur s'aimait dans son image, le plus pur de mes jours sur ce front arrêté, un rayon permanent de ma félicité. Tout est donc rassemblé, Seigneur, sur ce visage. Doux fardeau quand mon cou, sa mère suspendait, yeux où brillaient mes yeux, âme à mon sein ravie, voix où vibrait ma voix, vie où vivait ma vie, ciel vivant qui me regardait. Eh bien, prends, assouvis, implacable justice, d'agonie et de mort, ce besoin immortel. Moi-même, je l'étends sur ton funèbre autel. Si je l'ai tout vidé, brise enfin mon calice. Ma fille, mon enfant, mon souffle, la voilà. La voilà. J'ai coupé seulement ces deux tresses dont elle m'enchaînait, hier, dans ses caresses, et je n'ai gardé que cela. Un sanglot m'étouffa. Je m'éveillai. La pierre suintait sous mon corps d'une sueur de sang. Ma main froide glaçait mon front en y passant. L'horreur avait gelé deux pleurs sous ma paupière. Je m'enfuis. L'aigle, au nid, est moins prompt à courir. Des sanglots étouffés sortaient de ma demeure. L'amour seul suspendait pour moi sa dernière heure. Elle m'attendait pour mourir. Maintenant, tout est mort dans ma maison aride. Deux yeux toujours pleurants sont toujours devant moi. Je vais, sans savoir où. J'attends, sans savoir quoi. Mes bras s'ouvrent à rien et se ferment à vide. Tous mes jours et mes nuits sont de même couleur. La prière, en mon sein, avec l'espoir, est morte. Mais c'est Dieu qui t'écrase, ô mon âme. Sois forte. Baise sa main sous la douleur.